Psaume numéro 60. Dieu, entends ma plainte, exauce ma prière. Des terres lointaines je t'appelle, quand le cœur me manque. Jusqu'au rocher trop loin de moi tu me conduiras. Car tu es pour moi un refuge, un bastion face à l'ennemi. Je veux être chez toi pour toujours, me réfugier à l'abri de tes ailes. Oui, mon Dieu, tu exauces mon vœu. Tu fais largesse à ceux qui craignent ton nom. Accorde au roi des jours et des jours, que ses années deviennent des siècles, qu'il trône à jamais devant la face de Dieu. Assigne à sa garde amour et vérité. Alors je chanterai sans cesse ton nom. J'accomplirai mon vœu, jour après jour.